La lingère, qui serrait toujours les mains de son amie, la regarda un moment, en silence, l'oreille tendue. Puis, elle recommença, très bas, d'un air de tendre conviction. « Moi, à votre place, je prendrais quelqu'un. »« Comment, quelqu'un ? » murmura Denise, sans comprendre d'abord. Lorsqu'elle eut compris, elle retira ses mains, elle resta toute sotte. Ce conseil la gênait, comme une idée qui ne lui était jamais venue, et dont elle ne voyait pas l'avantage. « Oh non !» répondit-elle simplement. « Alors, continua Pauline, vous ne vous en sortirez pas, c'est moi qui vous le dis. Les chiffres sont là. 43 francs pour le petit, des pièces de 100 sous de temps à autre au grand, et vous ensuite, vous qui ne pouvez toujours aller, mise comme une pauvresse, avec des souliers dont ces demoiselles plaisantent. Oui, parfaitement, vos souliers vous font tort. Prenez quelqu'un, ce sera beaucoup mieux. » « Non, » répéta Denise. « Eh bien, vous n'êtes pas raisonnable. C'est forcé, ma chère, et si naturel. Nous avons toutes passé par là. Moi, tenez, j'étais au pair, comme vous. Pas un liard. On est couché et nourri, bien sûr. Mais il y a la toilette. Puis, il est impossible de rester sans un sou, renfermé dans sa chambre, à regarder où il y a les mouches. Alors, mon Dieu, il faut se laisser aller. »